Chapitre 15e, le martyre de Chiffon. Comme l'avait espéré la belle bourbonnaise, la tombe au Chanqueur découvrit en dehors du chemin, dans une clairière du bois de Fontenay, une sorte de hangar, vieille bâtisse abandonnée et vide, à demi effondrée. C'était une dépendance de la tilleuse qu'on n'utilisait plus. Tout indiquait que depuis longtemps, âme qui vive n'était entrée là-dedans, et laissait espérer qu'on n'y viendrait pas maintenant. « On va être comme chez nous !» s'écria la belle bourbonnaise. Aussitôt, le campement s'organisa. Dehors, on laissa la voiture à bras qui ne pouvait entrer et ne risquait rien d'ailleurs en plein air. La belle bourbonnaise aménagea un fourneau sur trois pierres. L'illustre Bouchancœur apporta les chaises de travail qui servaient au ménage et la table d'exercice sur laquelle on mangeait parfois. « D'ici, fit le banquiste, je rayonnerai. Je me mettrai à l'affût. Je finirai par découvrir notre clouteau. » La belle bourbonnaise avait eu une seconde idée, mais qui parut à Perpignan moins bonne, moins pratique que la première. « Si nous allions tout bonnement, dit-elle à son époux, trouver la mère de l'enfant, et que nous lui disions que nous la lui rendons moyennant un bon prix et la promesse qu'on ne nous fera rien. » Cette fois, Bouchancœur haussa les épaules. « Mauvaise idée. Tu penses bien que cette femme ne nous pardonnera pas d'avoir gardé son enfant pendant tant d'années. Non seulement elle ne nous donnera rien, mais elle s'empressera pour se venger de nous faire arrêter. Elle regarde moins celle qui lui rend la fille que celle qui l'a volée. » C'était en effet très dangereux. Mieux valait ne pas risquer le coup. « Non, vois-tu, Zélie, déclara-t-il, il faut nous en tenir à Clouteau. Là est le bon moyen, le seul prudent, le coup sûr. » Pendant des heures, Perpignan s'en allait guetter sur les chemins aux alentours des Ravenelles. Mais il ne voyait toujours pas son Clouteau. Sous la neige, la campagne semblait endormie. Des Ravenelles, depuis plusieurs jours qu'il guettait, il ne vit sortir que le vieux père d'Almet, que Charles ou les garçons qui allaient voir les bêtes, les soigner. Bouchancœur, après des heures d'affût, à demi gelé, rentrait se réchauffer à grands coups d'eau-de-vie dont en route on avait fait prudemment provision. Et entre-temps, ne sachant ce qu'il adviendrait, s'il ne faudra pas bientôt se remettre en chemin, gagner encore sa vie si on ne réussissait pas ici, pour ne pas laisser rouiller Chiffon, il la faisait travailler. Quand elle ne travaillait pas sur les chaises, des tours d'équilibre, Chiffon avait la corvée d'aller chercher dans le bois de quoi allumer le feu. La pauvrette rentrait avec une maigre moisson, grelottante et toute bleue de froid, les mains gercées, blessées. Pauvre Paulette, tant souffrir ici quand, ô cruel destin, à si faible distance, se trouvait sa mère qui la pleurait, se trouvait pour elle un nid d'affection chaude, de tendresse infinie. Pauvre Chiffon, pauvre Paulette. L'illustre Perpignan était furieux de ne pas encore avoir aperçu Clouteau, et en brute qu'il était, il en faisait supporter les conséquences à la fillette. Il la battait, la bousculait, l'envoyait parfois d'un coup de pied jusqu'au fond de la pièce. La neige, pendant cet après-midi, tombait plus serrée, plus lourde. La campagne en était, depuis la veille, ouatée à une assez jolie hauteur. Un vent âpre soufflait par rafales, emplissant la forêt de longues et douloureuses plaintes. Plein de rage, contre le temps qui l'empêchait, lui, d'aller guetter le comte, et qui empêchait le comte de sortir, pensait-il, pour s'occuper, pendant que la belle bourbonnaise préparait une soupe, l'unique repas de la journée, l'illustre Perpignan eut l'idée de faire travailler Chiffon. « Je vais lui apprendre un tour nouveau, » dit-il, et il cria à l'enfant. « Allons, les chaises, houp !» Chiffon savait ce que ça voulait dire. En tremblant, elle apporta au milieu de la pièce les trois chaises en bois blanc. Bouchancœur mit les chaises en équilibre de façon bizarre. Et il dit à l'enfant. « Allons, grimpe-moi là-dessus !» Avec effroi, Chiffon récria. « Là-dessus ! Parbleu, pas là-dessous ! Allons, pas tant de réflexion !»« Mais je vais tomber. Tu te ramasseras. Je me ferai mal. Tu n'auras qu'ouvré l'œil pour ne pas tomber. Grimpe !»« Tu trembles. Attends, je vais te faire trembler avec mon bâton. » Bouchancœur, pour diriger les exercices, avait toujours un gourde à la main. « Monte » répéta-t-il à l'enfant qui hésitait. La belle bourbonnaise intervint. « C'est trop dangereux ce que tu veux lui faire essayer. » Le banquiste répliqua. « Il faut bien faire des tours, on le risque de se casser la tête, sans quoi tout le monde en ferait autant. » Il poussa l'enfant avec son bâton. « Allez, hop, grimpe !»« Tu sais, si tu te casses une jambe ou un bras, ça ne t'arrivera plus qu'une fois. Grimpe !»« Je vous en prie, » fit l'enfant. « Ne me faites pas faire ce tour, j'ai peur. » « Je vais t'en donner de la peur, veux-tu grimper ?» Il saisit Chiffon par le bras et la traîna jusqu'aux chaises. « Tiens les chaises au moins, » fit la belle bourbonnaise. « Les tenir, répliqua la brute. « À quoi ça servira alors d'appeler ça un tour d'équilibre ?» Chiffon essaya de monter. L'assemblage de chaises trembla, vacilla. « Ah !» s'écria l'enfant. « Je vais tomber, ça bouge, je tombe !» En effet, les chaises s'écroulèrent et Chiffon roula à terre avec elles. La belle bourbonnaise aida l'enfant à se relever. « Tu vois bien, Perpignan, c'est trop difficile !» Le banquiste répliqua. « C'est qu'il met de la mauvaise volonté. Nous allons recommencer jusqu'à ce que ça marche !» Il remit en place son échafaudage de chaises, puis il fit signe du bâton à l'enfant. Chiffon, en marchant, boitait. La pauvrette s'était blessée. « Ah ah !» ricana le banquiste. « Tu t'es fait mal. Parfait. Maintenant que tu sais comment on fait pour se faire mal, tu t'arrangeras pour faire le contraire. Hop, grimpe !» L'enfant répliqua. « Ayez pitié, j'ai mal. Ne me faites pas recommencer. Hop !» fit seulement Bouchancœur en désignant les chaises du bout de son bâton. La belle bourbonnaise intervint encore. « Cependant, Perpignan, l'enfant peut se blesser gravement. Fais attention. « Toi, cria-t-il, commence par te taire avec tes romances. Et puis quoi, il ne se tuera pas. Ça lui donnera des jambes et des bras, ces petits exercices. Il en a besoin, ce chiffon. Regarde-moi ça. Ça n'a pas plus de force qu'une mouche. Ça a des membres d'oiseau. Allez hop, grimpe, ou je te caresse les os avec ce morceau de velours en bois. » Chiffon monta sur les chaises. La pauvre est assurant tant bien que mal son équilibre. « Mon Dieu, murmura-t-elle, mon Dieu, soutenez-moi. » « Encore !» fit le banquiste. « Encore plus haut !»« Puis tu te mettras en équilibre sur les poignets. Allons, allons, allons, plus vite que ça !»« Je ne peux pas. Je ne peux pas !» fit Chiffon après deux ou trois vaines tentatives. « Ah, tu ne peux pas. Je vais t'envoyer mon secrétaire pour t'aider. » Bouchancœur leva son bâton. « Non, ne me frappez pas !» cria l'enfant effrayé. « Ne me frappez pas !» Dans son mouvement de frayeur, Chiffon dérangea l'équilibre des chaises qui, encore une fois, s'écroulèrent en l'entraînant. Perpignan poussa un cri de fureur. « Il le fait exprès ! Attends, je vais t'apprendre à te moquer de moi !» Il leva son bâton sur Chiffon qui pleurait et se protégeait la tête, attendant le coup. Mais le bâton que Perpignan levait ne s'abaissa pas. Une main venait de le saisir. « Allons, laisse cet enfant !» dit une voix forte. « Assez !»